Chapitre 5. Comment Lazare se mit au service d'un moine de la Mercy et ce qui lui advint étant en sa compagnie. Il me fallut chercher le quatrième, et celui-ci fut un moine de la Mercy auquel les fameulettes que j'ai dites m'adressèrent. Elles l'appelaient Baron. Grand ennemi du cœur et de manger au couvent, il se serait damné pour courir dehors et aimait particulièrement les affaires séculières et les visites, tant que je pense qu'il rompait à lui seul plus de souliers que tout le reste du couvent. Ce maître me donna les premiers souliers que j'usais en ma vie, mais ils ne résistèrent pas 8 jours, et moi-même je ne pus résister plus longtemps à son trot. Pour cela, et d'autres choses que je ne dis pas, je le quittai.